إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, la dernière fois, hier, on expliquait les deux catégories de shirk. On a terminé à ce point-là, en fait. On était en train d'expliquer al-asl awwal, le premier fondement dans les six fondements, et on a expliqué al-shirk al-akbar, qu'est-ce que c'était. Maintenant, on a expliqué aussi la deuxième catégorie, qui est al-shirk al-asghar, ou le shirk mineur. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à expliquer ça. Inch'Allah, on va commencer à partir de ce point. Et, yani, on va terminer aujourd'hui le premier point, puis peut-être on va pouvoir commencer le deuxième, Inch'Allah. Donc, le Cheikh, il dit donc, al-Nu' al-Thani, comme on a lu, c'est al-Shirk al-Asghar, wa huwa kullu amalin qawli ou fi'li, atlaqa alayhi al-Shari' wasfu al-Shirk, lakinnahu la yunafi al-Tawhid munafatan mutlaqa, مثل الحلف بغير الله. فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك شركا أصغر مثل الرياء وهو خطير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وسئل عنه فقال الرياء وقد يصل الشرك وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر و وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل كل شرك ولو كان أصغر فالواجب الحذر من الشرك مطلقا فإن عاقبته وخيمة قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Donc on a commencé à expliquer ça hier, c'est-à-dire que la deuxième catégorie de shirk, c'est le shirk mineur. Et toute action, c'est toute action ou parole, et c'est toute action ou parole qui a été appelée ou nommée par Allah subhanahu wa ta'ala ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant quelque chose qui a rapport avec le shirk ou qui était shirk. Et toutefois, ça ne s'oppose pas au tawhid d'une façon absolue, comme le shirk majeur. D'accord? Et le shirk, il mentionne comme exemple de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shirk, il mentionne ça, puis il y a un frère qui m'a mentionné un point qui m'a fait rappeler à propos d'un point, c'est que parmi les sahaba, comme Abdullah ibn Mas'ud par exemple, il disait que de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala en disant un mensonge, c'est moins grave que de jurer par autre que Allah en disant la vérité. D'accord? Et ça nous montre en même temps la gravité et le danger de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé shirk, contrairement à un péché ordinaire. Et il y a un autre point aussi, c'est que parmi les gens qui jurent par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, s'ils jurent par Allah, ils mentent facilement. Et quand ils jurent par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont peur de jurer. Comme par exemple chez les soufis, ils vont jurer par Allah et ils vont mentir. Mais s'ils jurent par leur cheikh, ils vont avoir peur de dire un mensonge dans les cas pareils. Donc ça montre que parfois, il donne plus de respect à une créature qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parce qu'il ose jurer par Allah subhanahu wa ta'ala en mentant, et il jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il jure par autre qu'Allah, ils n'ont pas peur de, c'est-à-dire ils ont plus peur de dire un mensonge. Donc ça c'est un exemple, et le cheikh il dit que si quelqu'un par exemple il jure par autre qu'Allah, comme on l'avait expliqué hier, si il jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne croit pas que autre qu'Allah mérite le même respect qu'Allah, dans ce cas-là c'est shirk mineur. Mais s'il croit que celui par lequel il jure, ou la chose par laquelle il jure, mérite le même respect qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou à la même grandeur que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, c'est un shirk akbar, dans ce cas-là aussi. Donc, ça peut être shirk majeur ou un shirk mineur, selon qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la personne qui jure par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, il dit ensuite que al-riya aussi, c'est un exemple de shirk mineur. Comme par exemple, quand quelqu'un fait une prière, puis il va la prolonger pour que les gens voient qu'il prie longtemps, et ils vont dire, oh mashallah, c'est une personne qui est très pieuse. Donc si quelqu'un fait une action pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but de se faire voir par les gens, ça c'est considéré comme une forme de shirk mineur. D'accord? Et qu'est-ce que ça fait comme conséquence? Ça fait que la valeur de cette action-là ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas de récompense, et cette prière n'aura pas de valeur, parce qu'elle n'a pas été faite uniquement et purement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne un hadith à ce sujet-là, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce qui craignait le plus pour vous, ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. Et on lui a demandé qu'est-ce que c'était, et il a dit que c'était al-riya. Ça fait rapporté par Ahmad, et il mentionne d'autres références ici. Ensuite, le cheikh il dit, et ça peut même arriver au shirk majeur, c'est-à-dire al-riya, dans certains cas, ça peut même arriver à un shirk majeur. Et le cheikh il cite, il dit que l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya a donné cet exemple-là pour le shirk mineur. Il dit que c'est un peu de riya, c'est un shirk mineur, et donc il dit que ça indique en même temps que si quelqu'un fait beaucoup de riya, ça peut même aller jusqu'au shirk majeur parfois. Et il dit que certains parmi les ulama ont considéré que le verset qu'on a mentionné, c'est le verset 116 dans Surat al-Nisa, qui dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » « Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui » Ils ont dit que ça inclut, que ça comprend le shirk majeur et même le shirk mineur aussi. Donc ça veut dire que il y a des ulama qui ont compté le shirk mineur parmi les choses que Allah ne pardonne pas. Donc ça veut dire que il faut donc faire attention au shirk en général, et non pas seulement dire moi je vais juste faire attention au shirk majeur, puis c'est tout. Ok, donc ça c'est un point important aussi à prendre en considération. Et les conséquences du shirk en général sont très dangereuses et mauvaises, donc il faut faire attention à ça dans tous les cas. Et le cheikh il mentionne le verset dans Surat al-Ma'idah, le verset 82, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait le shirk avec lui, et Allah lui interdit l'entrée au paradis. Allah lui interdit l'entrée au paradis, et sa destination ou son refuge sera l'enfer, et il n'y a pas de secoureur pour les injustes. Donc ça c'est le verset que le cheikh a mentionné. Et donc ça veut, ensuite il dit « فَإِذَا حُرِّمَتْ الْجَنَّةِ عَلَى الْمُشْرِكِ لازم أن يكون خالدا في النار أبدا فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة لا ريب لأنه في النار خالدا وخسر الدنيا لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير ولكنه خسر لم يستفد من الدنيا لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير ولكنه خسر لم يستفد من الدنيا شيئا. نعم سكت. قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أنا ذلك هو الخسران المبين فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا وأوردها النار وبئس الورد المورود وخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم وإن كانوا في النار فذلك لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها Donc le cheikh il explique que si l'enfer est interdit aux mouchriques, donc ça implique qu'il est, le paradis est interdit aux mouchriques, donc ça implique qu'il sera éternellement en enfer. Car, et comme on avait expliqué ça hier, on a dit que le mouchrique, lui, il n'a aucun espoir de sortir de l'enfer, contrairement au mouahid, celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Donc le mouchrique, du coup, du moment qu'il a fait le shirk, le paradis lui est interdit. Donc c'est obligatoire qu'il rentre en enfer et il y restera éternellement. Et donc le cheikh il dit que le mouchrik, donc il a perdu l'au-delà, il a perdu son au-delà, il a pas d'espoir pour qu'est-ce qui a rapport avec l'au-delà. Il n'y a pas de doute là-dessus puisqu'il est éternellement dans l'enfer. Et il a également perdu la dunya, il a également perdu sa dunya parce que dans la dunya, Allah subhanahu wa ta'ala a établi la preuve contre lui et les avertisseurs sont venus pour l'avertir et donc il n'a rien profité de quoi que ce soit dans la dunya. Donc il est perdant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans surat Az-Zumar, verset 15, il dit, les perdants, ce sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes, ainsi que leur famille, au jour de la résurrection. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Ça, c'est certes la perte évidente. Okay? Donc, ça veut dire, il s'est perdu lui-même, hein. Et, donc, il n'aura rien profité dans cette vie présente pour sauver son âme au jugement dernier. Donc il fera partie des gens qui vont rester dans l'enfer. Et il a également perdu sa famille. Si sa famille c'était des mu'minines, hein, eh ben il va être séparé d'eux parce que sa famille va rentrer au paradis et lui il va être en enfer, il pourra plus les revoir, d'accord, ou bien il pourra plus jouir ou se réjouir avec eux. Tandis que s'ils sont avec eux, s'ils sont des koufars comme lui ou des mouchriquins comme lui, eh bien, dans ce cas-là, chaque fois qu'un groupe va rentrer dans l'enfer, ils vont maudire celui qui les suit. Donc, les gens de l'enfer, quand ils se réunissent dans l'enfer, ils ne font que s'accuser les uns les autres et se maudire les uns les autres. Et ils s'accusent les uns les autres. Ils disent, c'est à cause de vous qu'on est rentré en enfer. Et les autres disent, non, mais c'est vous qui avez été égarés. Et donc, ils se maudissent les uns les autres comme ça dans l'enfer. Donc, ça c'est quelque chose qui doit nous faire aussi réfléchir. Imaginez un père de famille, il a une responsabilité envers sa famille. Hein? Et donc, le père de famille qui laisse les gens de sa famille aller dans l'égarement et qui les conseille pas, qui leur interdit pas qu'est-ce qui est haram, qui leur donne pas le bien, qui leur ordonne pas de faire le bien, celui-là, dans l'enfer, sa famille va le maudire. Hein? Les enfants vont dire à leur père, que tu sois maudit, parce que tu étais notre père, et au lieu de nous ordonner de faire la salat, au lieu de nous ordonner de croire en Allah seul, au lieu de nous interdire le shirk, au lieu de nous interdire le kufr, au lieu de nous ordonner le bien et de nous interdire le mal, tu nous as laissé dans l'égarement, puis tu n'as pas pris ta responsabilité de père. Et ainsi de suite. Et le père va les maudire, il va également les maudire, va dire, ben c'est votre faute, parce que de toute façon, chaque fois que je vous demandais de faire quelque chose, vous m'avez jamais écouté, vous m'avez jamais obéi, vous m'avez jamais respecté, et ainsi de suite. Et donc ça c'est comme ça dans l'enfer. Hein? Donc, c'est pour ça, Yannick, qu'il faut donc prendre ça en considération. Les chefs disent, wa'alam anna shirk khafiyun jittan, qad khafahu khalil ar-Rahman. وإمام الحنفاء كما حكى الله عنه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وتأمل قوله واجنبني ولم يقل وامنعني لأن معنى اجنبني أي اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب هذا أبلغ من امنعني لأنه إذا كان في جانب وهي في جانب كان أبعد قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله في حياته، ف فلا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق إلا مؤمن فعلى العبد أن يحرص على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على أي شيء جاهدتها على الإخلاص فالشرك أمره صعب جدا وليس بالهين ولكن الله ييسر الإخلاص على العبد وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله. Donc le cheikh il explique, il dit que sache que le shirk il est parfois très caché. Et même Khalil al-Rahman, c'est-à-dire l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam des Hunafa, Ibrahim alayhi salam, il a fait un dua à Allah subhanahu wa ta'ala en demandant à Allah de l'écarter complètement, de l'éloigner de l'adoration des idoles, ainsi que ses enfants. Hein, il a demandé la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'adoration des idoles. Et le chef il dit que il dit méditer ou prenez le temps de bien observer ou d'analyser le verbe jnubni. Hein, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'écarter. Et il n'a pas dit empêche-moi. Hein, parce que le chef il dit que jnubni ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets moi d'un côté et l'adoration des idoles de l'autre côté. Ça veut dire que tu me sépares complètement de cette chose-là et tu m'en écartes et que tu m'en éloignes complètement. D'accord? Donc il dit que ça c'est beaucoup plus fort dans son sens que de simplement demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'en empêcher de le faire. Ok? Et c'est pour montrer qu'en même temps, si Ibrahim alayhi salam qui est l'imam et le père des prophètes, hein, et le chef des prophètes, si lui-même il a peur de tomber dans le shirk, eh bien, il n'y a personne d'entre nous ici hein, qui peut se sentir à la, à l'abri, exactement, à l'abri de tomber dans le shirk billah. D'accord? Donc, ça veut dire que tout le monde est capable de tomber dans le shirk billah si Ibrahim alayhi salam il a peur. D'accord? Donc, il faut prendre ça en considération. Après, le shirk il mentionne des exemples aussi pour dire que Ibn Mulayka, il a dit, Ibn Abi Mulayka, ou Malika, il a dit, j'ai rencontré 30 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils avaient tous peur pour eux-mêmes de tomber dans l'hypocrisie, ou d'avoir de l'hypocrisie en eux. Et Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab, il a demandé même à Hudhayfah ibn al-Yaman de lui demander, il lui a demandé, est-ce que son nom était parmi les gens qui ont été mentionnés parmi les munafiqs? Et il avait peur, malgré qu'il fait partie des gens qui ont été promis au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait annoncé qu'il sera au paradis, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, il avait peur d'être parmi les munafiqis. Donc c'est pour dire que, il faut jamais se sentir à l'abri du nifaq. Et le cheikh il dit donc que ça prouve quoi? Ça prouve que personne ne peut se sentir en sécurité d'être un munafiq, excepté un munafiq. Et personne ne craint d'être un munafiq ou ne craint le nifaq ou l'hypocrisie excepté un croyant. D'accord? Et il donne des exemples aussi comme une citation des salafs qui est attribuée à certains parmi les salafs qui dit « Je n'ai jamais eu à faire autant d'efforts dans l'islam que l'effort que j'ai eu à faire pour me protéger du nifaq, de shirk ou c'est-à-dire de faire des efforts pour être sincère et d'avoir l'ikhlas. » C'est-à-dire, il n'a pas fait d'effort dans l'islam plus que dans l'effort qu'il a fait pour avoir la sincérité. Parce que si tu as l'ikhlas, eh bien, inshallah, tes actions seront acceptées. Tant qu'elles sont en accord avec la sunna, tes actions seront acceptées. Mais s'il n'y a pas d'ikhlas, s'il n'y a pas de sincérité, si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas ce que tu fais uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, dans ce cas-là, tes actions à la base ne sont même pas acceptées. Même si tu as fait des actions énormes, même si tu as fait des grandes adorations, eh bien, ça n'aura aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit donc que la question du shirk c'est une question qui est très dure et très lourde et c'est pas quelque chose à prendre à la légère, hein, mais Allah subhanahu wa ta'ala il facilite la sincérité pour ses serviteurs. Et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que quand tu l'adores c'est comme si tu le voyais devant tes yeux. Hein, et donc quand tu fais ton action, tu le fais uniquement dans le but de satisfaire Allah et de plaire à son visage. Donc ça c'est le premier fondement que le cheikh Ibn Uthaymeen a expliqué, Puis j'ai fait comme j'avais dit hier, j'avais dit que j'allais chercher un autre charh, un autre parmi les ulama, et effectivement j'ai trouvé l'explication du Cheikh Al-Ubaylan, Cheikh Al-Ubaylan, qui a fait l'explication de Al-Usul Sitta lui aussi, et effectivement comme j'avais dit, il a mentionné des points qui ne sont pas mentionnés par le Cheikh Ibn Uthaymeen à ce sujet-là. Donc j'ai cru que c'était une bonne idée de rajouter quelques explications tirées de ce charh également. Et le Cheikh il dit, comme par exemple dans ce point-là qu'on avait mentionné, à la fin du premier point que le Shaytan il avait réussi à faire paraître pour les gens que Al-Ikhlas c'est de rabaisser ou de manquer de respect pour les hommes pieux, pour les salihin. Tandis que le shirk, ils ont essayé de faire paraître ça comme si c'était d'avoir du respect pour les hommes pieux et pour les salihin. Et donc, le Cheikh, il n'a pas, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a mentionné un peu là-dessus, mais il n'a pas élaboré. Et donc, le Cheikh ici lui donne une explication un petit peu plus détaillée. Il dit, لأن الشيطان حسن لهم عبادة غير الله عز وجل وجعل مدار التوحيد عندهم هو الغلو في المخلوقين والحق أنه هو الشرك بالله عز وجل فهؤلاء لا بد أن نجادلهم بالحسنى لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن فنسألهم نقول ما مفهوم التوحيد عندكم فإن قالوا مفهومنا أنه لا رازق ولا خالق ولا نافع ولا ضار إلا الله قلنا أنتم وكفار قريش بمنزلة واحدة كما قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فقل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Donc le Cheikh il explique, il dit que pourquoi ils ont mélangé la question, pourquoi ils ont renversé l'affaire, pourquoi ils ont cru que le shirk c'est al-ikhlas puis al-ikhlas c'est le shirk. Pourquoi ils ont mis la question à l'envers, c'est parce que le shaytan leur a embelli l'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaytan leur a embelli le fait d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaytan a fait en sorte que pour eux, le centre du tawhid, c'est quoi? C'est d'exagérer au sujet des créatures, d'exagérer au sujet des hommes pieux, et de les élever à des niveaux plus hauts que Allah subhanahu wa ta'ala les a placés. Et donc pour eux, le fait de glorifier et d'élever ces hommes-là, c'est ça pour eux le tawhid, alors que ça n'a rien à voir. Et le shaykh explique qu'en réalité, c'est ça le shirk billah. Et donc, lorsqu'on débat avec ces gens-là, ou lorsqu'on argumente avec ces gens-là, le Cheikh il dit qu'il faut argumenter d'une façon qui est correcte, d'une façon qui est bonne. Hein. Et le Cheikh il dit, le verset dans lequel Allah s'en a dit, le verset dans Surah Al-Nahl, verset 125, « وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » Débat avec eux, ou discute avec eux, ou argumente avec eux, de la meilleure façon, hein, de la plus belle façon. Et donc, le Cheikh il dit, qu'est-ce qu'on fait? On leur demande et on leur dit. Hein, souvent, la meilleure façon d'argumenter avec des gens comme ça, c'est de leur poser des questions. Hein. La meilleure façon parfois de discuter avec des gens de bid'ah ou des gens qui ont du shirk ou des choses comme ça, si tu veux essayer de leur faire comprendre des points, c'est de leur poser la question. Parce que souvent, on dit les mêmes mots, on utilise les mêmes termes, mais on ne veut pas dire la même chose. Hein. Toi, tu vas dire quelque chose, par exemple, tu vas dire le mot « ibadah ». Pour toi, l'ibadah, ça veut dire quelque chose dans ta tête. Mais pour lui, le mot « ibadah », ça veut dire une chose différente. Donc si vous êtes en train de débattre entre vous, ou d'argumenter sur la question, et que chacun de vous deux, vous avez une définition différente pour ce même mot-là, vous n'allez jamais arriver à aucune conclusion et à aucun résultat positif. Donc la première chose, c'est de bien vous entendre sur les points et sur les vocabulaires que vous utilisez. Et donc, le chef il dit, la première chose, qu'est-ce que tu fais? Tu lui demandes, qu'est-ce que c'est le tawhid pour toi? Parce que si lui-même, pour lui, le tawhid, ça veut dire quelque chose de différent, hein, eh ben, il peut pas y avoir un dialogue, il peut pas y avoir un débat sérieux. Et puis, il n'y aura jamais possibilité de vous réunir, réunir sur la vérité dans un cas pareil. Donc, c'est pour ça. Première chose, qu'est-ce que c'est le tawhid pour toi? Si il dit, notre compréhension du tawhid, c'est qu'il n'y a personne qui donne le risque, excepté Allah. Il n'y a personne qui crée, excepté Allah. Il n'y a personne qui peut nuire ou nous profiter, excepté Allah. Et bien là, dans ce cas-là, tu leur réponds pour leur montrer l'erreur de cette définition-là. Tu vas leur dire, vous, ainsi que les koufars de Quraysh, vous êtes au même niveau. Vous, ainsi que les koufars de Quraysh, les mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes au même niveau. Parce que les koufars de Quraysh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient la même chose que ça. Ils disaient, personne ne donne le risque excepté Allah. Personne ne fait vivre et mourir excepté Allah. Hein? Personne ne crée excepté Allah. Tout ça, les mouchriquins, ils étaient d'accord là-dessus. La nafi' wa la dar illallah. Hein? Et il mentionne des versets, le chef pour mentionner ça, pour prouver ça. Il mentionne un verset ici, mais il y a un autre verset qui est plus clair encore, ou qui est aussi clair que celui-là, et qui est plus simple. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل من يرزقكم كي هو دل رزق دي سيء دلاتين أما يملك السمع والأبصار كي دي تلوي لا زي et qui fait sortir la vie de la mort, et qui fait sortir la mort de la vie, et qui contrôle toute l'affaire, ils diront, certes, Allah. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ Si vous leur demandez qui a créé les cieux et la terre, ils vont répondre quoi? Allah. Donc ça, c'est des gens qui adoraient Al-Lat, Wal-Uzza, Wal-Manat, et les autres idoles qui étaient autour de la Kaaba, et quand on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ils disaient Allah. C'est-à-dire qu'ils savaient que ces idoles qui étaient fabriquées en terre, ou en pierre, ou en bois, ou en d'autres matières, ils savaient que c'est pas ces créations-là qui ont créé les cieux et la terre, et qui ont créé les êtres humains, et qui faisaient vivre et mourir, mais ils savaient que c'était uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôlait, et qui dirigeait toutes ces choses-là, et que rien ne pouvait les nuire, ni les profiter, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça prouve que, si vous dites, en parlant de ces gens-là aujourd'hui qui adorent les tombes parmi les musulmans aujourd'hui, si vous dites que de y croire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui donne la subsistance et qui crée et qui nuit, etc., et qui peut nous nuire ou nous profiter seulement, c'est-à-dire si vous dites que c'est seulement Allah qui fait ça fait de vous des mouahidines et que c'est ça le tawhid, alors dans ce cas-là ça voudrait dire que les mouchriquins de Quraysh eux aussi ils ont donné mouahidines. Et eux aussi, donc, c'est des croyants et des musulmans. Parce qu'eux aussi disaient ça. Mais pourtant, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a révélé des versets pour montrer que non. Ils sont pas des mu'minines. Ils sont pas des mu'ahidines. Ils sont des mushrikines. Parce que même s'ils ont dit qu'il y a un seul créateur, il y a un seul maître, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui détient tout, ils ont continué à invoquer autre qu'Allah, à demander l'intercession et à prendre des intermédiaires entre eux et Allah. Donc, puisqu'ils ont fait ça, ils sont restés dans Ash-Shirk Billah. Donc, la foi, avoir la foi en Allah, c'est pas seulement comme certains s'imaginent aujourd'hui de reconnaître l'existence d'un être suprême, ou d'une force, ou d'un Dieu. Il dit, ah, ça y est, j'ai un kafir, il reconnaît que Dieu existe, ça y est, il est croyant. Non. Pour être croyant, il faut que tu reconnaisses, bien sûr, que Allah existe, qu'il est le seul et l'unique, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que même comme on a dit, les mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils acceptaient ça aussi. Il faut en plus de ça que vous ayez rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, par exemple, les chrétiens, ils n'ont pas accepté ça. Ils prennent entre eux et Allah comme intermédiaire Isa ibn Maryam. Et quand ils prient à Dieu, ils passent par Isa, ou bien par Maryam, ou bien par un saint parmi les saints de l'Église. Et les saints, les catholiques, ils ont plus que 300 saints. Et ils ont un saint pour chaque différente chose. Un saint pour le voyage. Donc quand ils partent en voyage, ils prient un saint en particulier parce que lui c'est le saint des voyages. Quand ils ont par exemple, supposons ils sont malades. Il y a un saint spécial pour les maladies. Quand tu es malade, tu demandes à ce saint-là. quand il y a par exemple quelqu'un qui est supposant un orphelin, il y a la sainte qui s'occupe des orphelins, hein, donc ils ont un saint qui s'occupe de chaque différente chose dans la vie, hein, et donc il y a un saint pour les pauvres, un saint pour ci, un saint pour ça, et donc ils ont abandonné Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont pris entre eux et Allah des intermédiaires, et c'est ça le shirk d'Allah. Donc de dire qu'il y a un créateur, hein, les chrétiens, si vous leur demandez est-ce qu'il y a un seul Dieu, on dit oui, il y a un seul Dieu. Ils ne vont pas dire il y a plusieurs dieux, ils vont dire un seul Dieu. Et même dans la Bible aujourd'hui qu'ils possèdent, c'est écrit encore aujourd'hui, hein, le premier commandement dans la Bible, c'est quoi? Demandez à n'importe quel chrétien, le premier commandement, c'est un seul Dieu, tu adoreras. Et pourtant, vous les voyez aujourd'hui comment ils ont pris plein de divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc c'est pour vous montrer. Les Juifs, ils ont la même chose. Ils ont un paquet de saints, ils vont à leur tombe, ils les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent qu'il y a juste un créateur. Et malgré tout, ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et pour les autres religions, c'est la même chose aussi. Ils sont tous tombés dans ce point-là. Ils ont tous dévié sur cette question-là. Hein? Excepté ceux qui se sont revenus à la da'wah des prophètes. La da'wah des prophètes. Tous les messagers d'Allah ont tous concentré leur da'wah sur ce point-là, c'est le point fondamental, c'est la base de l'islam. C'est la clé du paradis. Celui qui a ça, celui qui a compris ça comme il faut, il rentre au paradis, c'est garanti. Et même s'il rentre en enfer pour un certain temps à cause qu'il a fait des péchés, il ne va pas demeurer éternellement. Donc quand vous faites la da'wah à des kuffars, concentrez-vous sur ça. Et même à des musulmans, s'ils sont déviés dans certains points, concentrez-vous là-dessus, sur ce point-là avec eux, pour leur faire comprendre. Parce que c'est ça la base de l'islam. Il n'y a pas d'islam s'il n'y a pas ça. Même s'il y a la salat, même s'il y a le hajj, même s'il y a la zakat, même s'il y a tous les aspects, même si on applique la charia à 100%, on coupe la main des voleurs, on applique les gens qui font le zina, on donne les coups de fouet à ceux qui boivent de l'alcool, hein, qui se saoulent, des choses comme ça, tous les aspects de la charia, hein. Si on l'applique à 100%, sauf qu'on n'applique pas le tawhid, on n'est pas musulman. Hein? Donc ça veut dire que ça veut rien dire. Même si on dit la ilaha illallah 1 million de fois, et qu'après on se tourne vers une tombe pour demander de l'aide en dehors d'Allah, et bien la ilaha illallah, il n'a aucune valeur. Même si on fait le hajj à chaque année, pendant 40 ans, qu'on invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'a aucune valeur. Donc ça veut dire que si les gens n'ont pas compris ce fondement-là, ils n'ont rien compris de l'islam. Hein? Et c'est pour ça que c'est fondamental de le comprendre. Le cheikh dit « Fa'il qalu al-shirku mutamathilun fi ibadati l'asnam, amma al-awliya falatna na'buduhum, bal hum wasa'it baynana wa baynallah li qurbihim min Allah, fanujibuhum wa naqul hadha alladhi qalahu kuffar Quraysh. قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شايف الزي Si par la suite ils répondent en disant le shirk c'est d'adorer des idoles, mais nous on n'adore pas les idoles, on prend des hommes qui ont été pieux, qui ont été près d'Allah, qui ont été des awliya, et on ne les adore pas, on les prend comme des intercesseurs, des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils sont près de Dieu par rapport à nous, ils sont plus près de Dieu que nous, donc eux ils peuvent transmettre nos prières pour nous à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils peuvent donc intercéder en notre faveur. Et donc le cheikh il dit, on peut leur répondre dans ce cas-là, et on leur dit, ce que vous dites, c'est exactement ce que les kuffars de Quraysh disaient, hein, aux musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le Coran, dans Surat Az-Zumar, au début de la Surah, il dit, n'est-ce pas à Allah qu'appartient la pureté de la religion, ad-dinul khalis, la religion pure, et ceux qui ont pris en dehors d'Allah des intercesseurs, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah jugera entre eux dans ce qu'ils ont divergé, et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide certes pas tout menteur et négateur, une personne qui qui est kafar, c'est-à-dire qui renie la vérité ou qui la rejette. Et après le cheikh il dit فإن قالوا هذه الآية في الأصنام أما نحن نتبرأ من جعل الأصنام وسائط بيننا وبين الله فنقول لهم قد كفر الله جل وعلا في القرآن الكريم من تعلق بالملائكة والأنبياء أو الصالحين وهم ليسوا أصناما ولا أحجارا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء أي نعم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون الشيخ يقول إذا سئل ربهم et qu'ils disent « ça, ce verset-là est révélé pour les idoles », tandis que nous, on se désavoue de prendre des idoles comme intermédiaires entre nous et Allah. Ça veut dire on prend pas des idoles comme intermédiaires, on prend des êtres humains qui sont des hommes pieux. Donc c'est pas la même chose que des idoles ou des roches ou des arbres ou des trucs de ce genre. Le cheikh, il dit, on répond à cette objection-là en disant « Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a déclaré comme étant kuffar des gens qui se sont accrochés ou qui se sont, disons, reliés à des anges, ou qui ont invoqué, ou qui ont pris des intermédiaires parmi les anges, ou même parmi les prophètes, et même parmi les hommes pieux, et eux ne sont pas des idoles, et ne sont pas des statues, ou des roches, hein, ou des pierres. Donc, dans ce sens-là, hein, même si, qu'est-ce que vous prenez comme intermédiaire entre vous et Allah, c'est des êtres humains, ça ne veut pas dire que ce n'est pas du shirk, ça rentre également dans le shirk d'Allah. Et il donne des versets dans le Coran, comme le verset 40 dans Surat al-Saba, dans lequel Allah Ta'ala il dit, et le jour que Allah va tous les rassembler et qu'il dira aux anges, est-ce que c'est vous que ces gens-là adoraient? C'est-à-dire, est-ce que ce sont vous les anges que ces êtres-là ou ces personnes-là adoraient? Ils vont dire Subhanaka, hein, que tu sois purifié, oh Allah, gloire à toi, tu es notre protecteur en dehors de ceux-là. Ils adoraient certes les djinns, la plupart d'entre eux. Croyaient en eux. C'est-à-dire, les croyants en djinns, ils adoraient les djinns. Et donc, le chef il dit, وقال تعالى, ou إذقال عيسى, وإذقال الله يا عيسى ابن مريم, أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله, قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق, إن كنت قلته فقد علمت, تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, إنك أنت علام الغيوب. Donc, il mentionne un autre exemple aussi pour montrer que déjà on prie Isa comme intermédiaire entre eux et Allah, et qu'au jugement dernier, Isa ibn Maryam, il va se désavouer de tous ceux qui l'ont prié, tous ceux qui l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est dans le verset 116 dans Surat al-Ma'ida, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Isa, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah, et ils vont dire, et Isa va répondre, il va dire « Subhanak hein, », que tu sois purifié de tel mensonge. Je n'ai pas le droit de dire ce que je ne peux pas dire à ton sujet, excepté la vérité. Hein, c'est-à-dire, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas le droit de dire à ton sujet. Si je l'aurais dit, tu l'aurais certes su, hein, parce que tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Et c'est toi qui connais certes le monde de l'invisible. Hein. Allah al-Ghuyub. C'est toi qui es connaissant de l'invisible. Après, il mentionne un autre verset, verset 57 dans Surat al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ça dit ce verset-là. Ceux-là qui les invoquent, c'est un verset qui était révélé à propos de Isa ibn Maryam et les gens qui faisaient le shirk avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, ceux-là que vous invoquez, vous les priez, eh ben, comme par exemple ceux qui prient Isa, eh ben, eux-mêmes, ils cherchent un moyen de se rapprocher d'Allah. C'est-à-dire, toi, comme les chrétiens par exemple, c'est comme si on disait à un chrétien, toi tu pries Isa, alors que lui-même, Isa, il prie Allah, il essaie de se rapprocher à Allah, alors que toi tu essaies de te rapprocher à Isa. Donc c'est comme pour les réprimander, hein, et pour leur dire que, faites comme lui, yani. Essayez de vous rapprocher à Allah comme Isa faisait, et non pas d'essayer de vous rapprocher à Isa, une créature comme vous. Et il dit à propos de, justement à ce sujet-là, eux-mêmes ils cherchent à se rapprocher à Allah, et ils recherchent sa miséricorde, et ils craignent son châtiment. C'est-à-dire, ils espèrent en la miséricorde d'Allah, et ils craignent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbika, inna adhaba rabbika kana mahdura. Donc c'est-à-dire que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut s'en préserver, demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là. Mais le point important à utiliser à ce verset-là, c'est que c'est un argument solide pour réfuter les mouchriquins, les gens qui invoquent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et même moi-même, je me souviens, même avant l'islam, quand j'étais dans le christianisme, j'utilisais toujours cet argument-là pour réfuter ou répondre aux chrétiens. Hein, à chaque fois que, parce que même quand j'étais chrétien, j'étais contre cette notion d'invoquer Jésus ou Marie ou les saints, hein, parce que je considérais que c'était quelque chose qui était contraire même aux enseignements des prophètes dans la Bible. Et donc je leur disais toujours, mais pourquoi vous invoquez ces êtres-là alors qu'eux-mêmes ils priaient, hein? Jésus, quand il avait un problème ou quand il avait une difficulté, il demandait à Dieu. Donc comment il peut être Dieu si lui-même il prie Dieu? Ça fait pas de sens, hein? Et donc ça c'est un exemple. Et il dit, « Mushriku zamanina aghlabu shirkan min al-awwalin. » Cheikh il mentionne en fait que les mushrikins d'aujourd'hui sont plus enfoncés, dans leur shirk est plus grave que le shirk des mushrikins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les mushrikins au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils étaient dans les moments d'aisance et de calme et de prospérité, eh ben, ils faisaient le shirk. Mais quand ils avaient une difficulté ou un malheur ou une détresse, ils faisaient leur adoration uniquement et purement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah il mentionne l'exemple dans le bateau, quand ils montaient dans le bateau et qu'il y avait une grosse tempête et qu'ils avaient peur de mourir, là ils invoquaient Dieu seul. Quand ils revenaient sur la terre ferme et qu'il n'y avait plus de danger, ils retournaient au shirk. Eh bien les mouchriquins d'aujourd'hui, parmi ceux qui se disent musulmans et qui disent la ilaha illallah et qui font la salat et qui font Ramadan et qui respectent toutes les autres règles de l'islam, hein, ils s'éloignent du haram, ils cherchent à faire le halal et qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration, eh bien ces gens-là, quand ils ont un malheur, ils font le shirk avec Allah, et même quand ils sont dans les moments d'aisance, également ils font le shirk avec Allah. Donc ils sont dans un shirk plus grave encore que celui des mouchtikim du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le cheikh il a mentionné cet exemple-là, il a mentionné le verset, « فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ » C'est le verset 65 dans Sourate Al-Ankabut, hein, et j'ai traduit en fait le sens dans l'explication que j'ai donnée. Donc il dit, « وَكَذَلِكَ مُشْرِكُوا زَمَانِنَا أَشْرَكُوا حَتَّى فِي الرُّبُوبِيَّةِ فالصوفية مثلا يعتقدون أن للكون مدبرا سوى الله ويسمونهم الأقطاب فإذا كان هذا القطب مزاجه حار وعصبي صار البلاد التي يدبرها حارة وإذا كان حليما هادئا صار المناخ معتدلا ومنهم من يرى أن الله حال في كل شيء كما قال قائل منهم الرب عند الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف. Donc il dit que même à notre époque actuelle, on voit parmi les gens qui se disent musulmans, non seulement ils font le shirk avec Allah dans l'adoration, mais ils font en plus de ça le shirk même dans la souveraineté. Ils croient également, ils font le shirk même dans ar-rububiyya, c'est-à-dire ils donnent à Allah des partenaires dans le contrôle de l'univers. Ils disent qu'il y a d'autres avec Allah qui contrôlent le monde. Et en particulier ce qu'on appelle as-soufiya, les soufistes. Et ils croient qu'il y a une catégorie d'hommes qu'on appelle rijal al-ghayb, les hommes de l'invisible. Et le plus haut d'entre eux c'est al-qutb. Hein, ils les appellent al-aqtab. Hein, les hommes, ça veut dire en français les pôles. Hein, et ils croient que ce sont eux qui dirigent là le monde. Hein. Et si vous lisez dans les livres des soufis, vous allez trouver ça, c'est écrit dans leurs livres. Hein. Et ils disent que quand le Qutb il est fâché, qu'il s'est énervé ou s'est mis en colère, eh bien, la température est chaude, on va avoir chaud. Et quand il est calme et qu'il est reposé, la température est modérée. Donc c'est pour dire que c'est lui qui dirige la température et qui dirige le monde. D'accord? Et ça c'est un exemple, mais il croit aussi que c'est lui qui fait tomber la pluie, c'est lui qui fait poussée, qui fait, en tout cas, toutes sortes d'idées qu'ils ont, qui rentrent dans le shirk, Ali. Et ça, c'est écrit dans leur livre. Il y a de quoi, Ali, quand on lit ça, on dit, subhanallah, comment des gens peuvent avoir des idées aussi, Ali, égarées à ce sujet-là. Et donc, ça, c'est des gens qui, lorsqu'ils parlent des wahhabis, ils disent, ah, vous, les salafis, vous êtes des wahhabiyoun, hein, et ils disent, par exemple, ah, vous, vous pensez que d'invoquer autre qu'Allah, c'est shirk, alors que c'est pas shirk. Le shirk, c'est seulement si tu crois qu'il y a un autre Dieu qui contrôle le monde avec Allah, hein. Et pour eux, d'invoquer autre qu'Allah, ça rentre pas dans le shirk. Eh ben, même dans le rububiyya, même dans le fait que c'est Allah seul qui contrôle le monde, ils ont donné à Allah des associés. Et ils osent quand même dire qu'on exagère à leur sujet et essayer de défendre leurs idées de cette façon. Donc ça c'est juste pour nous faire comprendre que yani, ces gens-là, ils sont vraiment dans l'égarement. Mais bien entendu, yani, ces croyances-là qu'ils ont sont dans leurs livres et ils y croient, hein, parce que j'ai déjà rencontré des soufis qui m'ont exprimé directement qu'ils croyaient en ces choses-là. Et bon, quand on lit dans les livres, on entend ces paroles-là au sujet des soufis, hein, on le lit dans les livres, on dit « Ah, ça c'est peut-être des gens qui croyaient à des choses pareilles ». Il y a des siècles et des siècles, et maintenant ils sont morts et c'est fini. Mais non, actuellement encore aujourd'hui, il y a des musulmans, parmi les gens qui se disent musulmans, des gens qui ont ces croyances-là, et qui les supportent et qui les défendent, et qui essaient d'appeler les autres musulmans à les accepter et à y croire. Hein. Et la même chose pour le shirk des tombes et tout ça. Moi, quand je suis converti à l'islam, je lisais ça dans les livres, je pensais que c'était quelque chose qui se faisait dans le passé, et que c'était oublié aujourd'hui. Toutefois, quand j'ai vu qu'est-ce qui se passait dans le monde musulman, j'ai réalisé que c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, et que c'est répandu partout dans le monde musulman. Du Maghreb à l'Asie, dans tous les, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est partout. Hein, excepté en Arabie Saoudite. Donc c'est pour vous montrer, Yanni, que c'est par ça qu'il faut commencer notre da'wah. C'est sur ça qu'il faut se concentrer si on veut établir quoi que ce soit. L'aqidah, c'est la base. S'il n'y a pas d'aqidah, il n'y a rien. Il y a des groupes parmi les musulmans qui prennent l'aqidah aujourd'hui comme si c'était une chose qui vient dans la marge, qui a aucune importance, hein, qu'on n'a pas besoin d'en parler du tout, il faut s'occuper juste de la politique, de l'économie, des trucs de ce genre, puis que c'est ça les problèmes de la Ummah à régler maintenant, puis que les questions d'aqidah c'est secondaire, c'est un détail, on n'a pas à s'en préoccuper. Et ça c'est... Il n'y a pas de doute que c'est une porte ouverte vers l'égarement. Les gens qui ont cette notion-là, qui ont cette façon de penser-là, et qui ont cette façon de voir l'islam-là, c'est parce qu'en réalité, ils cachent quelque chose. Ils cachent un égarement incroyable, et ils ne veulent pas que les musulmans soient au courant de la réalité de cette religion, parce qu'ils savent que peut-être ils ont un prestige, ou ils ont une position à préserver, et qu'ils veulent quelque chose de la dunya, et donc à cause de ça, ils veulent garder les gens dans l'ignorance. D'accord? Mais qu'Allah nous préserve de cette catégorie de ces gens-là, et puis qu'il nous fasse parmi les du'at, il a le haqq, qu'il nous donne le ilm, un nafi' ou l'amul salih, et à l'ikhlas dans nos actions et dans nos paroles. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Puis, barakallahu fikum, ça m'a fait plaisir, inshallah. Wa fikum barakallahu fikum.